Je m'approche de toi Seigneur, je m'approche de ta lumière. Chez nous à terre, bras ouverts, exauce ma prière. Seigneur, créateur de l'univers, je monte de la poussière. Quand je marche, mon cœur est joyeux, vers toi dans le haut cieux. C'est là qu'est ma patrie, le lieu que je convoitise. Je m'approche de toi. Je reste là pour l'éternité. Je suis dans la totale sécurité. Je ne manquerai de rien et je ne craindrai pas les esprits malins. Ouais, ouais, ma sœur Marietta. Si, si, ici c'est l'IDC. Approche-toi de moi. Aïe. Avec le Seigneur. Aïe.